Bienvenue à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. En janvier dernier, nous avons entrepris une trilogie d'entrevues portant sur l'exploration spatiale et ses défis avec l'astrophysicien Jean-René Roy, qui est professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Dans la première entrevue, nous avions parlé des défis que représentent les missions habitées dans l'espace. Dans la deuxième, des défis que représentent les vols robotisés à l'intérieur du système solaire. Alors aujourd'hui, pour boucler le cycle, nous allons aborder les défis et les difficultés que représentent les futurs vols interstellaires, c'est-à-dire ceux destinés à des planètes à l'extérieur du système solaire. Mais avant, nous allons faire un retour sur l'émission spéciale qui a eu lieu le 10 mars dernier, dans laquelle il a été question de l'existence de la vie dans l'univers. L'émission avait été passionnante, mais on n'avait pas eu le temps de couvrir les conditions physiques nécessaires à l'apparition de la vie dans l'univers. Alors, pour nous en parler, vous l'aurez deviné, on a en studio Jean-René Roy. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors Jean-René, le 10 mars, il avait été dit que ça prend environ 1 milliard d'années pour que la vie primitive se développe et 3 milliards d'années pour que la vie intelligente se développe. Alors, est-ce que la vie est susceptible d'émerger dans tous les systèmes solaires en raison de cette contrainte temporelle? Et quelles sont les conditions qu'une étoile doit remplir pour être favorable à l'émergence de la vie? Si on regarde l'étoile, rappeler certains éléments qu'on a mentionnés dans la grande émission. L'étoile doit être dans une période où sa luminosité reste relativement constante. Mm-hmm. Comme on sait que dans notre cas, le Soleil, qui a 4,5 milliards d'années, était à ses tout débuts à peu près 30% moins lumineux. Et probablement qu'à sur Terre, les conditions de température auraient été très froides s'il n'y avait pas eu un effet de serre important d'une grande quantité de CO2 dans les tout débuts, peut-être 2 à 3000 fois la quantité de CO2 qu'on a présentement dans l'atmosphère. Et tout de même, c'est une étoile qui vit très longtemps. Et suffisamment longtemps pour exactement, et qui augmente de luminosité à peu près de 6% par milliard d'années. Ah bon, OK. Donc, c'est peut-être une des conditions les plus importantes, la stabilité en luminosité. Ensuite, une étoile qui n'a pas trop d'activité magnétique, donc qui n'est pas toujours en train de nous envoyer des jets de particules de haute énergie et qui pourrait en quelque sorte même souffler l'atmosphère qu'on pourrait avoir sur une planète. Donc, ces questions-là sont assez bien comprises, en fait. C'est peut-être ce qui est un peu moins compris, c'est quel genre de conditions il faut sur une planète pour favoriser l'émergence de la vie. Oui, il faut de l'eau liquide, comme on l'a bien mentionné, mais il y a probablement beaucoup d'autres facteurs qui jouent un rôle. Mais avant de parler des planètes, Jean-René, si on venait un peu sur le Soleil, sur les étoiles, est-ce que la taille ou la masse est un critère, en fait? Oui, dans le sens que si sa masse est trop grande, la durée de vie de l'étoile va être très courte. Ah. Et elle va avoir une variation de sa luminosité et aussi un vent stellaire très très fort. Donc ce qui serait défavorable à l'apparition de la vie. Les étoiles plus massives que 7 fois la masse du Soleil ont une durée de vie de 10 millions d'années, de quelques millions d'années et non pas de milliards d'années. Okay. Donc Mais ce n'est pas tellement un problème parce que les étoiles sont d'autant plus nombreuses que leur masse est relativement modeste et modérée. Okay. Donc, l'autre cas extrême, ce serait des étoiles de petite masse, disons que la moitié, le tiers, le quart de la masse du Soleil. Ici, le problème qu'on aurait, c'est que ce serait des étoiles moins lumineuses et aussi à plus basse température, de sorte que la région autour de l'étoile où l'eau qui est essentiel à cause de ses propriétés de solvant extraordinaire, l'eau qui est essentielle pour nous, telle qu'on la connaît, la vie sur Terre, et probablement pour la vie telle qu'elle pourrait exister ailleurs, cette eau doit être liquide. Mm-hmm. Et la zone où l'eau peut rester liquide, si l'étoile est de faible luminosité, ça va être une zone très, très étroite, ce qu'on appelle la zone habitable. Ouais. Ça va être plus proche, ça va être étroit, et il va falloir qu'il y ait des paramètres orbitaux bien réglés. Donc, les étoiles comme le Soleil, c'est un peu c'est une bonne place. Oui. Alors là, on va parler des planètes. Alors, Quelles sont les conditions qu'une planète doit remplir justement pour favoriser son développement de vie? On parlait justement de la distance de l'étoile. Là. Ouais. Présentement, la Terre est dans la bonne distance. Ouais. Et puis, probablement que Vénus et Mars, s'ils avaient eu d'autres conditions physiques, auraient pu permettre la présence d'eau comme telle, qui ont probablement été bombardés comme nous dans cette ère de grands bombardements dans le premier 500 millions d'années du système solaire. Mais parce que Vénus était trop proche, il y a eu un effet de serre colossal et Vénus a perdu, n'a pas pu garder cette eau qui a été acquise. Et dans le cas de Mars, c'est que sa gravité est très faible, sa température est élevée, l'eau pourrait exister sous forme de solide, de liquide, mais l'eau, la pression est faible et l'eau s'est évaporée. Elle a perdu. Mars a eu de l'eau probablement jusqu'à il y a 3 milliards d'années. Donc la Terre, tout ça, là, ça doit être bien syntonisé, cette chose-là. Mais comme vous disiez tout à l'heure, l'intensité du soleil varie aussi en fonction du temps, donc ça peut changer aussi en fonction des périodes. Exactement. Donc c'est une question d'avoir le temps, on l'a mentionné beaucoup dans l'entretien d'il y a un mois. Il y a d'autres choses, enfin, à part d'avoir de l'eau, il faut de l'eau, il y a d'autres facteurs géologiques qui peuvent jouer un rôle, surtout dans la possibilité de diversification de la vie par mécanisme de sélection naturelle, en tout cas qui joue un rôle extrêmement important sur Terre. Par exemple, qu'on n'ait pas uniquement des océans, qu'on ait des continents. OK, donc ça prend une planète tellurique, une planète gazeuse. Une planète gazeuse, là, ce serait embêtant. Mais on ne peut pas exclure que s'il y a du liquide et qu'ensuite qu'il y a une atmosphère importante, qu'un objet qui soit uniquement liquide, on ne peut pas exclure la possibilité de la vie ici. J'essaie de voir les conditions qui vont favoriser une diversification des formes de vie parce qu'on crée des milieux différents. Quand on a un continent qui émerge de la Terre, même si ça a pris du temps à ce que la vie colonise les continents ont émergé, on croit, il y a à peu près 3 milliards d'années. Et donc, c'est eux qui ont été colonisés par la vie en dernier. Ah oui, mais ça a pris du temps avant qu'il y ait de la vie sur Terre. Et surtout, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il y ait de la vie qui bouge avec des pattes. Ça ne date que de quelques centaines de millions d'années. Oui, parce que la vie a commencé dans les océans. Oui. Mais ensuite, elle s'est transférée peu à peu sur la... Donc, effectivement. Ouais. Si on revient, à notre planète... L'orbital, est-ce que c'est important aussi, l'orbite de la Terre? Est-ce qu'il faut qu'elle soit plus ronde ou circulaire? Il y a deux choses. Là. Les paramètres astronomiques, encore là, vont favoriser... Moi, je vois toujours comment favoriser des milieux différents. C'est pas toujours la même chose. Pour que la vie, en quelque sorte, ait les conditions pour produire des petites bébites, des petites bêtes qui vont être différentes, parce que les conditions vont être différentes, elles vont s'ajuster à l'environnement. La vie, c'est extraordinaire. La vie ne fait que s'ajuster à l'environnement. C'est un fait. Et donc, si on a quelque chose, il peut y avoir, par exemple, il y a deux facteurs qui sont de conditions astronomiques. Un, c'est, comme vous le dites, c'est la forme de l'ellipse qui va faire que, si elle est pratiquement circulaire, on est toujours à la même distance. C'est ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de variations. Il n'y a pas beaucoup de variations si on a c'est la situation de la Terre à l'heure actuelle. Oui. Donc, on pourrait avoir aussi une orbite relativement elliptique qui pourrait être la cause d'effets saisonniers pour toute la planète. Mais sur Terre, on a des effets saisonniers importants, non pas parce que on a une ellipse, parce qu'on c'est presque un cercle, distance est pratiquement toujours la même. Au Soleil, ça varie très peu. Mais parce que l'axe de rotation est incliné par rapport à l'orbite, cet axe reste constant dans l'espace, de sorte qu'un hémisphère va être plus éclairé lorsqu'on est sur un côté de l'orbite. Donc, c'est l'été pour l'hémisphère nord. Mm-hmm. Et moins éclairé, c'est l'hiver pour l'hémisphère sud. Et quand on est 6 mois plus tard à l'autre bout de l'orbite, c'est le contraire. C'est que l'hémisphère nord va être le moins éclairé, c'est notre hiver, et l'hémisphère sud est le plus éclairé. Donc, l'effet saisonnier ici n'est pas dû à cause de la forme de l'orbite, mais l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur lui-même, qu'on appelle l'obliquité. Okay. Et ça force des effets de saison. Effectivement. Et qui ne sont pas trop grands, exactement. Ouais. Et trop extrêmes. Et il y en a aussi, là, c'est exactement. Ça. Exactement. Et la taille de la Terre, est-ce que c'est un critère important aussi pour qu'il y ait La taille d'une planète pour qu'il y ait de la vie sur la planète. La taille est importante. Et la volume aussi. La taille est importante pour les raisons suivantes. Il faut que la taille soit suffisamment grande pour qu'elle garde certains des éléments légers qui sont des constituants importants de la vie. Et donc, la Lune a tout perdu. Tout ce qui est volatile est parti. Et l'eau, si elle devient vapeur, elle part. Donc, il faut que la masse de la planète soit suffisamment grande. Et on sait que une planète doit aussi avoir une masse qui lui permet de garder des éléments comme le carbone, l'oxygène, l'azote. Ils sont à la base de la vie. La base de la vie et l'eau. Oui. Et certaines autres. Mais faut pas qu'elle soit trop massive. Pour quelle raison? Parce que là, elle va garder des éléments encore plus légers qui sont très abondants, qui sont l'hélium et l'hydrogène. Et avec ça, on ne va pas loin. C'est Jupiter. On a Jupiter et Saturne. Donc, et c'est pour ça qu'on cherche pas la vie sur Jupiter et Saturne, quoique on pourrait faire une spéculation qu'il y a des choses bizarres qui peuvent se passer dans ce genre d'atmosphère. Et on cherche plutôt la vie sur les satellites de Jupiter et de Saturne, qui sont des petits corps, et eux qui sont très froids, on en a parlé. Et qui sont telluriques. De glace. Sont telluriques ou? Non, sont peut-être plutôt glace et eau et un cœur d'ordre rocheux. D'accord. Et justement, la nature de la planète, le fait qu'elle soit tellurique ou gazeuse, évidemment, comme vous disiez tout à l'heure, si rien que de l'eau, il peut quand même avoir de la vie qui se crée, sauf qu'il n'y aura pas de continent sur lequel elle va pouvoir aller le coloniser. Oui, en fait. Mais la vie pourrait exister, mais peut-être qu'elle n'aura pas la diversité, les espèces de conditions environnementales pour exploser en toutes sortes de formes et d'espèces comme on voit sur Terre. L'autre chose qui est importante, et je reviens toujours à ça, c'est de fournir des environnements différents. L'autre chose, c'est le fait qu'on ait une tectonique des plaques. Oui, effectivement. Donc, on a des continents, qu'il y a des choses qui sortent de l'eau. C'est mais important, ça. Oui, ça, il y a deux choses. Il y a ces plaques-là se promènent et elles se joignent pour faire de méga continents et se séparent sur des cycles de l'ordre de centaines de millions d'années. Donc, ça favorise d'abord à des espèces et ensuite, quand on sépare les continents, ces espèces-là vont évoluer différemment. Merci, Monsieur Darwin. Et il le décrit. Et ça nous donne une variété d'espèces très différentes. Et quand ça revient ensemble, ça fait des mariages aussi possibles. Donc, ce cycle-là est probablement important, au moins pour favoriser une diversification extraordinaire de la vie. Et aussi, si on a des continents qui s'étendent pas mal du nord au sud, ça aussi, ça va donner... ça va forcer la vie à avoir à habiter, entre guillemets, des zones qui ont des effets saisonniers plus forts, des changements de température plus importants, comme on a, nous, dans l'hémisphère nord à l'heure actuelle. Mais il faut se rappeler qu'il y a 300 millions d'années, 400 millions d'années, nous, ici, notre morceau de continent, il était à l'équateur. C'est vrai que la tectonique des plaques avait complètement changé à l'époque. On se promène tout le temps. Et de temps en temps, on rentre en collision, il y a des morceaux qui rentrent en dessous. C'est une façon aussi de capter du carbone et le rentrer. Donc, c'est une façon de faire diminuer la quantité de CO2 qui sort tout le temps à partir des volcans. Oui. Et est-ce que la présence d'éléments radioactifs est aussi suffisante pour garder la Terre, le noyau de la Terre chaude? Absolument. D'ailleurs, la tectonique des plaques est due au fait que l'intérieur est très chaud, encore très actif, et ça bouillonne de sorte que ça... Ce qui fait qu'on a les volcans. On a les volcans, les continents se promène. Donc, les tremblements de terre. Les tremblements de terre, ça, avec les problèmes que ça entraîne. Mais d'autre part, c'est encore quelque chose qui favorise une diversification des formes de vie qu'on a sur notre planète. Et on pourrait imaginer que ce serait le même genre d'effets environnementaux qui favoriseraient cette diversification dans d'autres milieux sur des exoplanètes différentes. Et est-ce que la présence d'un noyau de fer et d'un champ magnétique aussi est nécessaire? Ça, c'est très intéressant. D'abord, le champ magnétique, et surtout si la planète doit être assez proche du Soleil, le champ magnétique, qui devait d'ailleurs être plus fort dans la jeune Terre, par des mouvements plus grands de l'intérieur solide, l'effet dynamo était peut-être plus important. Donc, ça a dû aider à protéger, à garder notre atmosphère. Donc, ça fait comme un bouclier. Quand le Soleil avait de grandes éruptions et tout, c'est des vents solaires, qui peuvent littéralement comme souffler l'atmosphère. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la Lune n'a pas d'atmosphère? Non, la Lune n'a pas d'atmosphère parce que sa masse est trop petite. OK, pas assez de gravité. Ouais. Et en fait, On ne sait pas trop l'effet que... Parce qu'une atmosphère, ça se renouvelle. Ça se régénère. C'est pas comme l'eau. L'eau, une fois qu'on l'a acquise, si on la perd pas, là, c'est la même eau qu'on a depuis des milliards d'années ici. Elle monte en vapeur, elle retombe, mais c'est toujours la même molécule d'eau. Donc, le champ magnétique a possiblement un rôle. Et l'autre chose, c'est ça nous protège des particules énergétiques du soleil lors d'éruption. Et donc, ça peut contrôler un petit peu le taux de mutation. On sait que certaines mutations des gènes peuvent être dues à une collision avec une particule de haute énergie, ce qu'on appelle la radioactivité. Il y a toujours un certain taux de radioactivité. C'est très bon d'en avoir une base, une radioactivité naturelle qui a probablement favorisé, encore une fois, cette diversification de la vie. Mais il ne faut pas en avoir trop, ouais. Probablement. Parce qu'il ne faut pas s'irradier là, en quelques centaines de milliers d'années. Et j'imagine aussi que... En fait, un critère important, c'est aussi d'avoir la présence d'une atmosphère et d'une hydrosphère aussi pour qu'il y ait de la vie sur la planète. Oui, c'est ce qu'on répète depuis toujours. Donc, c'est pour ça que le jeu, ça implique que le critère astronomique d'être pas trop loin du soleil, pas qu'il chauffe trop, qu'on perde tout, qu'on volatilise tout, qu'on fait tout bouillir, pas être trop loin pour pas que ce soit de la glace comme telle. Et il faut avoir la masse correcte de la planète pour que tout ça joue très bien. Donc, dans le système solaire, c'est nous, on est tombé à la bonne place, mais en fait, il y a une tautologie ici, là. Mais c'est un facteur important. Un dernier facteur, possiblement, qui a peut-être joué là, dans l'évolution de la vie, c'est la présence de marées. Donc, donc la Lune, qui est responsable du 2/3 des marées. Donc, les marées, ce qu'ils ont probablement être la source de grandes zones intertidales où une vie qui était dans les océans au début, toujours Monsieur Darwin, merci, il y a probablement des espèces qui ont commencé à vivre dans ces zones-là. Puis, à un moment donné, ils ont développé des petites pattes, probablement plus vite parce qu'il y avait ces zones où il y a de l'eau, puis il n'y en a pas, etc. et tout. Et ça a peut-être favorisé, accéléré l'invasion des continents par des formes de vie qui étaient à l'origine dans l'eau des océans. Donc, est-ce qu'on pourrait conclure que la présence d'un satellite comme la Lune favorise la diversification? En tout cas, sur Terre, on a des raisons de croire que les grands bassins, surtout s'il y avait des plateaux continentaux importants, comme on les a aujourd'hui, probablement il y a des bonnes raisons de le croire, surtout quand les continents sont vieux. Quand les îles et les continents sont très jeunes, il y a des endroits, il n'y en a pas de plateau continental, où il n'y a presque pas de marée non plus. Si vous êtes sur, par exemple, toute la côte ouest de l'Amérique du Sud, vous avez la chaîne des Cordillères et tout ça tombe à quelques kilomètres de la côte, vous tombez à 7 kilomètres de profondeur. Effectivement. Et vous avez très peu de marée. Donc, effectivement. Donc, c'est pas là que les premiers crocodiles sont apparus. Donc, probablement dans des milieux plus favorables. Et puis, j'imagine qu'un satellite comme la Lune stabilise peut-être aussi un peu la Terre dans son axe de rotation. Ça fait faire des choses, mais c'est plutôt l'effet de marée qui est le plus important. D'accord. Alors, on va maintenant parler des défis que représentent les vols interstellaires. Alors, le premier défi auquel on pense d'emblée, mais évidemment, ce sont les distances interstellaires qui sont colossal à franchir. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du cas de Voyageur 1? Ouais, Voyageur 1, c'est la sonde qui a été lancée en 77 par la NASA pour explorer les planètes externes, entre autres Jupiter, Saturne, Neptune, et qui continue et qui est toujours en contact radio. Elle est rendue... Ah bon? OK. Elle est sortie un peu de la sphère d'influence du Soleil. Pas de gravitation, mais la sphère influence qu'on dit de champ magnétique solaire, de vent solaire, etc. Et maintenant, elle est plutôt dans ce qu'on appelle une nouvelle atmosphère qui est vraiment le milieu interstellaire. Donc, presque le vide complet. Au contraire, la zone est maintenant le milieu d'une densité de particules plus grande parce que c'est plus froid. Ah bon, OK. Donc, le Soleil, c'est un peu comme une grosse ballonne chauffée qui est autour, là, entre guillemets. Ce qu'on appelle cette héliopause. OK. Héliosphère. Donc, elle est à une vitesse de 56 000 km à l'heure, à peu près. Ce qui, pour nous paraît rapide, mais ce qui est un pas de tortue. À cette vitesse-là, ça prendrait à peu près 60 000 ans à atteindre l'étoile la plus proche. Donc, Et elle n'est pas dans la direction d'une étoile. Elle s'en va quelque part dans le vide interstellaire. Et aussi, bon, en fait, il y a aussi les systèmes de propulsion existants qui sont complètement inadaptés. Absolument. En fait, c'est bon pour faire le tour de la Terre. Les systèmes sont corrects pour aller aux planètes extérieures, mais on l'a vu dans le cas de la sonde New Horizon pour atteindre Pluton, ça a pris 10 ans. Donc, à l'heure actuelle, on développe certaines techniques qu'on appelle moteurs à propulsion ionique. C'est-à-dire, au lieu de faire des impulsions en libérant une grande quantité d'énergie chimique via la combustion qu'on fait en lançant une fusée, on peut faire la même chose dans l'espace un peu différemment. On a finalement des moteurs qui, ce sont des petits réacteurs. En fait, on utilise des piles à plutonium. Et pour chauffer un matériel, le rendre électriquement conducteur et on accélère électriquement ces particules. On les accélère de façon continue. Donc, on a une propulsion très, très, très douce, mais continue. Et ça, c'est ça la solution pour, à la longue, pour accélérer un vol des vols qu'on mènera vers les planètes dans le futur. Cette technique-là, à l'heure actuelle, elle est appliquée sur la sonde Dawn qui a exploré Vesta, l'astéroïde, et qui est présentement autour de Cérès. On en a parlé il y a quelques mois. Oui. Et d'ailleurs, qui donne des observations absolument extraordinaires. Pour faire un suivi, je vous encourage à aller faire une recherche avec votre furteur. Faites Cérès Dawn, D-A-W-N. Tout de suite, vous allez voir une page Jet Propulsion Laboratory. Allez voir, il y a des images absolument extraordinaires. Mais c'est un système où on a utilisé la propulsion ionique pour naviguer cette sonde, la faire descendre, la faire rapprocher de Cérès. Donc, on explore beaucoup cette technique-là. Mais pour aller beaucoup plus loin, on estime, la question de décider, c'est combien de temps on veut mettre pour atteindre une étoile. Effectivement. Donc, les gens qui ont les rêves les plus modestes parlent de 50 ans. C'est beaucoup, là. Oui, mais il faut se déplacer à environ 1/10 de la vitesse de la lumière. Ce qui est loin d'être fait aussi. Ce qui est loin d'être fait. Et là, il faudrait faire appel à des vrais réacteurs nucléaires à fusion qui utilisent un atome qui est relativement abondant, mais dans la forme qu'on voudrait l'avoir pour pas qu'il génère trop de neutrons qui pourraient être destructeurs par radioactivité à un équipage ou même à des équipements à bord. Uh-huh. C'est l'hélium-3. Donc, c'est 2 protons et un neutron par rapport à l'hélium-4 qui est en très grande abondance, qui est 2 protons, 2 neutrons. Et cet hélium-3, il faut aller chercher soit sur des astéroïdes ou à la surface de la Lune. Donc, c'est ça. Donc, rêvons qu'on peut le faire ou qu'on peut l'extraire du milieu interstellaire. Donc, on pourrait, en quelque sorte, par cette technique, faire quelque chose qui serait en accélération beaucoup plus puissante que ce que je décrivais pour les moteurs à propulsion ionique de tantôt. Ici, ce serait la même chose, mais ça serait avec une génération d'énergie beaucoup plus grande pour produire cet engin qui devrait avoir une puissance de moteur absolument extraordinaire, pour moi, équivalent à l'énergie que les humains on consomme dans une année entière sur Terre. Pour être accéléré, on parle d'un vaisseau qui aurait quand même des dizaines de tonnes, pour être accéléré à une vitesse de l'ordre du 1/10 de la vitesse de la lumière. C'est pas tout, parce que si vous allez à une vitesse de 1/10 de la vitesse de la lumière, il doit avoir des effets. Vous êtes mieux de ne pas rencontrer un petit morceau de peinture ou un grain de sable. Un grain de sable, parce que les conséquences seraient catastrophiques. Donc, vous devrez avoir quelque chose qui va zapper tout ce qui est devant vous. Faire en sorte que vous ne soyez pas détruit par la grosse quelque chose qui serait simplement de la grosseur d'un poids. Oui. Alors, c'est tout le temps qu'on a malheureusement, oui. Jean-René Roy. Alors, merci beaucoup pour ces explications. On a encore le temps de rêver un peu avant ces beaucoup expéditions qui seront certainement fantastiques. Et on va découvrir beaucoup d'autres exoplanètes favorables à notre visite avant de pouvoir y aller. Tout à fait. Alors, je rappelle que Jean-René Roy est astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Nous allons passer en pause publicitaire sur CKRL au 89.1, après quoi on vous revient avec Marie-Claude Lafitte et son bricolage de l'ADN. Restez à l'écoute.